بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دعونا نكونتينيو dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, qui est l'explication du Cheikh Ali Ramli sur Duraru al-Bahiyya de l'imam al-Shawkani rahmatullah alayhi. Alors aujourd'hui, étant toujours dans le chapitre Zakat al-Hayawan, la Zakat des bestiaux. Donc, nous avons vu la Zakat des chameaux et des vaches. Ensuite, al-Ghanam, qui sont les moutons et les chèvres. Et nous avons vu aussi le jugement de ceux qui se mélangent et ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans la parole de Mu'allif qui va aborder ce qu'on ne doit pas prendre des animaux lorsque on va recueillir la zakat. Toyib. Si par exemple l'autorité envoie des gens pour aller récupérer la zakat, il y a un certain nombre d'animaux qu'on ne doit pas toucher. Toyib, c'est cela qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Et on va aussi voir ce qu'il faut compenser si jamais l'animal qui a été désigné dans la zakat qu'on doit donner comme zakat, c'est-à-dire, on, par exemple, on dit Ibn Mahad, Abintu Mahad, par exemple, si on n'a pas cela, on a un animal plus petit, alors qu'est-ce qu'il faut compenser à la place? On va bismillah voir cela, Inch'Allah, dans cette assise. قال المؤلف رحمه الله لتدي ليف إدي ولا تؤخذ هرمة on ne prend pas هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا مخاد voilà fahl ghanam. Toyib, voilà ce qu'on ne doit pas prendre lorsqu'on va prendre la zakat sur les animaux. Alors ici, la yajuzu akhzi hadhihi al-ashya fi zakat. Il n'est pas permis de prendre ces choses dans la zakat. Li'anna fiha dararan ala sahib al-mal. Awalan, il y a un tort si on prend ces choses sur celui qui est le propriétaire des animaux. Ou bien al-faqir, ou bien le pauvre. Le pauvre à qui on doit donner cette zakat aussi. Toyib, il y a certaines de ces choses, si on les prend, c'est un tort pour celui qui détient ces animaux-là. Et aussi, il y a d'autres, si on prend, c'est un tort pour le pauvre à qui on doit donner la zakat. Toyib. Donc ici, al-harima. Parce que l'auteur du livre dit, on ne prend pas al-harima. Al-harima, c'est hi al-kabiratu. C'est l'animal qui a vieillir. Allati saqatat asnanuha. dont ses dents sont tombées. Hein? Tu vas prendre la zakat et ce que toi tu as eu, c'est l'animal qui a vieilli. Le propriétaire n'a plus besoin. Mais tu donnes aux pauvres. Lui, il va faire quoi avec ça? Il ne peut pas vendre. Cet animal aussi ne peut pas enfanter. Ni rien. Toyib. Zatu awarin. Tokalu bil fatha. On dit awar ou bien bidomma, on dit awar. Qila hiya al-awra. Al-awra, c'est qui a un œil. Ça va? A'war. Bimana, Kila, il a été dit aussi al-ma'iba. L'animal qui a un défaut. Ça peut être le défaut sur le pied, ou bien un œil, ou bien un défaut. N'est-ce pas? Mais ici, ça a été spécifié awar du côté du visage. Toyib. Ensuite, wala aib. Wahiya ma fiha aibun. C'est l'animal qui a un défaut. Yu'addu inda al-arifin. Dont on considère chez les connaisseurs bil mawashi. Des animaux. Naqsan. Et ils connaissent comme un défaut. Toyib. Fanna'amu lati fiha al-aib. Les animaux qui ont ce défaut. Alors là, tu khadu fi zakat. On ne prend pas aussi dans la zakat. Toyib. Nam. As-sagira. As-sagira tout. C'est l'animal qui est encore petit. Toyib. Aifissin, c'est-à-dire en âge. Toyib. Donc. On ne prend pas aussi dans la zakat. On va voir que les savants, ces défauts, ces choses qu'ils ont émis, ils se sont basés sur un hadith. Et on va voir le hukum de ce hadith-là. Toyib. Al-akula. Al-akula, c'est quoi? Wahiya shatu, c'est le mouton. Alet yusamminuha aluha. Donc, ses propriétaires le font grossir, les akliha, pour le manger. Toi, tu vas prendre zakat. Tu n'as pas eu autre. C'est ça, toi, tu as vu. Toyib. Wakila, il a été dit aussi, hiya al-khussi. Al-khussi, c'est l'animal castré. Toyib. Wal-harima, c'est l'animal qui a vieilli. Wal-akir, c'est l'animal stérile. Min al-ghanam, parmi les moutons et les chiens. Donc, il a été dit aussi que Al-Akula rentre dans cela. Il y a aussi Arubba. Alati Turabba fil Bayt. C'est l'animal qu'on élève à la maison. Yusamminuha ahluha. Afwan liyakhuz ahlaha labanaha. Ils le nourrissent à la maison pour pouvoir prendre son lait. Toyib, c'est celui qui leur donne du lait chaque matin. Hein? Par exemple, toi, tu vas, c'est pas autre. C'est ça, toi, tu as trouvé pour prendre. On va voir la base de cette parole. Se trouve dans le hadith de Ibn Abbas. Lamma arsala mu'azan ila al-Yaman. Il a dit quoi dans le hadith? Il a dit wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Donc ça, c'est la base. Ça va, kara'ima, ce qu'ils ont élevé pour prendre le lait chaque matin. Ou bien ce qu'ils ont élevé pour manger. Toi, tu n'as pas vu autre. Tu dis, c'est ça là, je veux comme zakat. Aïwa. Ils vont te maudire. Hein? Voilà pourquoi, Arasou Sulaïsan m'a dit à moi, il dit, « Wattaki » Da'wat al-mazlou. Parce que si tu fais du tort à quelqu'un, il va invoquer contre toi. Non? C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Ça va? Tu'khadhu min aghniyaim. Tu'khadhu mamana tu'khadhu. On prend. Ça va? Mais on prend ce qu'il convient de prendre. Ça va? On lui dit, bon, ok. Tu as 40 moutons. 40 moutons, c'est combien? Un mouton. On regarde. Et puis on choisit un. Wayak. Tu trouves dans les 40 moutons, il y a 39 qui sont femelles. Et puis il y a un qui est le bélier. Et toi, c'est le bélier que tu veux prendre. Ça va chauffer. Hein? Dans ce moment, il faut prendre ce qui est à cela. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Al-Makhadu. Parmi ces animaux, il y a, bon, avant d'arriver sur Makhad, Waqila que Aruba, il a été dit aussi, Yallati wada'at hadithan. C'est l'animal qui vient d'accoucher. Il vient d'accoucher, il a un bébé. Et toi, tu veux le prendre. Toi, le bébé, on fait comment? Hein? Al-Makhadu, allati akhadaha al-Makhadu litada. Ça va? Al-Makhadu, c'est quoi? At-tolqu inda al-wilada. C'est ce qui sort de la femelle lorsqu'elle veut enfanter. Par exemple, pour les êtres humains, pour la femme, lorsqu'elle perd les os. Voyez? Donc, les animaux aussi, ils ont ce qu'on appelle le talq, c'est ce qu'on appelle maqad. Lorsque elle libère quelque chose déjà, tu vois déjà, ça commence à sortir du farj, de l'animal, comme quelque chose. Donc, en ce moment, tu ne vas pas aller prendre ce maqad. Voyez? Donc, fahlul ghanam. Fahlul ghanam, c'est al-zakar. Al-fahl, c'est ce qui monte sur les femelles. Hein? Al-zakaru lati uddat li darab al-inas. C'est le mâle qui est placé pour monter sur les femelles. Al-jima'ihinna. Monter sur les femelles. Voyez? Donc celui qui va prendre la zakat, normalement, il doit faire attention. Sinon, ils vont dire, la'anatullah alaik. Wa hadhihi ashiya, ces choses-là, allati zakaraha, waradat fi asarin du'ifa la tasih. Ces choses qu'il a mentionnées tout à l'heure, al-harima, wa. Ça a été mentionné dans les asars qui sont da'if, qui ne sont pas authentiques. Wa waradat fi hadith, mais c'est venu dans hadith de Sahih Bukhari, le hadith de Anas, qu'a l'Ali sallallahu alayhi wa sallam, wa la yukhraju fi sadaqa harima. Ça c'est venu dans hadith authentique. Harima, l'animal qui a vieillir. Wa la zatu awar, comme on a vu celui qui a un œil. Wa la tayyis. Tayyis, c'est le bouc. Le bouc. Voici un bouc. Le bouc, lui, il est efficace. N'est-ce pas? C'est un bouc parmi les chèvres. Et toi, tu vas prendre ce bouc-là. Toyib. Illa an yasha al-musaddiq. Sauf si celui qui donne la zakat dit, ok, prends le bouc. Sinon, tu ne prends pas à tayyis. Toyib. Donc, illa an yasha al-musaddiq. Si le musaddiq veut, la base. Voyez. Falharima wazat al-awar. Al-harima, l'animal qui a vieillir, wazat al-awar, et ce qui a un œil. Aizat al-aib, ce qui a un défaut. Tadukulu fi ayishatin ma'iba. Ça rend à n'importe quel mouton qui a défaut. Bi aibin ma'aruf. Un défaut qui est connu inda ahli al-ilmi. Chez les savants. C'est-à-dire, les gens qui connaissent Bil Mawashi, ce ne sont pas les savants de. Hein? Allah yakul fas'alu ahla zikr umul ulama. C'est eux qui sont les ulama dans ces maïdans. Donc, si eux te disent que ceux qui connaissent les bêtes, qui connaissent les animaux, ils te disent que ça c'est un défaut, Alors, Yoadou Kedalik, on considère comme un défaut. C'est compris? On considère comme un défaut. Toyeb. Nam. Wakadalik Ateis. C'est la même chose à Teis. Ateis, on a dit c'est quoi? Le bouc. À l'aide ou al fahal, qui est l'animal qui monte. La tu khazu fi zaka. On ne prend pas cela dans la zakat. Ok? La tu khazu fi aïche. Fi zakat. Toyeb. وقوله إلى parole du prophète صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء المصدق sauf si le مصدق veut, c'est-à-dire il a voulu que tu prennes le tayyis. إلا أن يشاء المصدق sauf si le مصدق veut, qui est صاحب المال, le propriétaire de l'animal. إخراج التيس, s'il veut que tu prennes le tayyis. لأن في أخذه, car dans le fait de prendre le tayyis, ضررا, il y a un tort à l'al-musaddiq sur celui qui est celui qui donne la zakat. Tayyib. Wal-man'u min akhzihi, l'interdiction de prendre le bouc, li maslahatihi, c'est pour son bienfait, c'est-à-dire le bienfait de celui qui donne la zakat. Fa in azina fihi, donc, mais si lui il autorise, aw ra'a, ou bien il a vu que Allah dorara alayhi, qu'il n'y a pas de tort, par exemple, il a beaucoup de boucs. Et il décide de dire, bon, vous prenez hein, la basse. Hein? Fiza alika ukhiza, on prend. Watuqasu alayhi al-ashiya, on compare sur cela les choses, alayhi zakara al-musannif, ce que l'auteur du livre a mentionné, mimma ya'udu bid-darar, de ce qui vient comme tort à la sahib al-mal. C'est-à-dire que on compare sur la parole du professeur Hassan. Voilà Tayyis. Le Tayyis, c'est quoi? C'est le bouc. Bon, toi, pourquoi on ne doit pas prendre le bouc dans l'Ikhraj al-Zakat? Pourquoi? Non? Parce que c'est lui qui monte, mais ce n'est pas ça seulement ma réponse. Pourquoi on ne doit pas le prendre? Continue. Ça ne fait pas derrière le mal. Et pourquoi on ne doit pas prendre encore? La question je repose. Non? Pour ne pas causer du tort aux propriétaires. Donc maintenant, le qiyas ici c'est quoi? Tout ce qui fait du tort au propriétaire du bien où tu dois aller prendre la zakat, tu dois t'en écarter. Voici le qiyas. Et le qiyas a un dalil. Ça va? Wa qad warada aidan fi sahih al-Bukhari wa Muslim. C'est venu dans al-Bukhari et Muslim min hadith Muaz, le hadith de Muaz al-Ma'ruf, qui est connu. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيسور صلى الله عليه وسلم معاذ وعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه dans une version c'est zakat. Enseigne-les ou bien fais-les savoir que Allah leur a rendu obligatoire la zakat. طيب cette zakat تؤخذ من اغنيائهم, on prend de leurs riches, waturaddu ala fuqara'ihim, et on ramène cette sadaqa à leurs pauvres. Summa qala fi nihayati al-hadith, il a dit à la fin du hadith, mada qala? Wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Iyyaka, ça veut dire quoi? Kalimatu tahdhir, kalimatu zajr. Iyaka, après iyaka, le mot qui vient est mansoub. Iyaka wal julusa. Ça va? Iyaka, mais daiman tu viens avec le wa après. Iyaka wal kediba. Ça va? Iyaka wa shakshakata al kalam. Shakshakata. Maman a shakshaka. Hein? C'est-à-dire parler, remuer la langue. Hein? L'éloquence, c'est-à-dire être tellement éloquent, il veut couper un ami qui a dit mon homme. Hein? Taïb. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il a dit wa iyaka wa kara'ima. Kara'ima. Mansoub. Amwa'lihim. Amwa'lihim mudafun ilay. Faut pas notre dars va se transformer en dars du Nahou. Hein? Donc, ici, il a mis en garde contre le fait de prendre les plus précieux de leurs biens. Donc, là, il dit Zohada. Donc, on fait le qiyas sur ça. Ici, on a un dalil qui montre qu'on ne doit pas prendre tout ce qui est précieux. Ça va? Mais on ne doit pas prendre aussi ce qui est aussi ville, c'est-à-dire on n'a plus besoin. Hein? On doit être dans le juste milieu. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَرِيمَ. Cela montre que le plus précieux minma les shakhs de l'argent d'une personne, la يُقَضُ فِي zakat. Des biens d'une personne, on ne prend pas dans la zakat. بَلْ يُقَضُ الشَّيْءِ الْمُعْتَدِلِ. On prend ce qui est mu'tadil al-mutawassit, ce qui est dans le juste milieu. Ça va? Comme Allah dit, ya yuwalladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Naam, qui peut compléter? Naam. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardi. Ce qu'on fait sortir de la terre, voilà. تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا. Tu ne vas pas enlever ce qui est vil, alors que toi-même, si on te donne, tu ne vas pas prendre sauf si tu fermes les yeux dessus. Aïwa. L'image a yani tout il est ahad. Le sahib le mal, si on vient prendre ce qui est vil ou bien ce qui n'a pas de valeur, lui il est content. Mais le pauvre à qui on donne, il va faire quoi avec ça? Par exemple, on vient trouver dans la zakat l'animal le plus vieux. Les dents même sont tombées. Et puis on prend. Lui sera content. Mais on va donner au pauvre là, lui va faire quoi avec ça? Il va vendre, personne ne va jeter. Sauf si c'est pour la viande. Pourtant, lui aussi doit élever l'animal pour avoir une zakat à donner aussi. Ou bien, nasallallahu alayhi wa sallam. Wa amma bin nisbati lil harima. Quant au harima, c'est-à-dire l'animal qui est vieille, wa zatu al awar, et celle qui a des défauts, fala tukhaz, on ne prend pas dans la zakat, li anna darar fiha, car le tort dans cela, aidun, retourne à qui? Al al faqir, retourne sur le pauvre. Maintenant, amma sourire, quant à l'animal qui est petit. Ici, Bawab al-Bukhari, Bukhari a fait un chapitre dans le Sahih. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, il a fait munakasha avec Omar. Hein? Il est venu avec ce hadith. Et il a dit, Babu akhzil anaqi. Bab, on prend le anaq fi sadaqa. Maman anaq. Anaq, c'est min awladil ma'zi. C'est l'enfant de la chèvre. L'enfant qui est petit de la chèvre. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, Wallahi, law mana'uni anaqan. Ils disent qu'ils ne donnent pas. Même si c'est anaqan, kanu yu'adduna ila rasulillah, qui donne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la qatel tourmali. Je vais le combattre pour ça. Donc, Bukhari, min fiqhihi, de sa compréhension de son fiqh, il a fait bab pour ce hadith. Elle a dit, Babu akhzil anaqi fi sadaqa. Wa zakara fi hadith Abi Bakr. Il a mentionné le hadith d'Abu Bakr. Qawluhu, Wallahi, law mana'uni anaqan, la qataltum alayh. Si m'ont empêché de prendre l'anak, anak c'est min auladi al-maas. Tayyib. Wa l'anak min auladi al-maas. Al-maas c'est la chèvre. Wa hiya allati lam tastakmil as-sana. C'est l'animal, c'est-à-dire la petite chèvre qui n'a pas complété un an. Ça va? Duna sana. C'est-à-dire un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq, jusqu'à... Il n'a pas encore atteint l'âge de un an. Donc, قال الحافظ حافظ بن حجر دي وكأن البخاري سكون بخاري سي أشار بهذه الترجمة السابقة il indique ici dans son chapitre la ترجمة ici c'est التبويب ça va dans son chapitre passé il a جواز أخذ الصغير في الصدقة. Il a voulu dire ici que c'est permis de prendre le petit dans la zakat. Donc le cheikh Ali Ramidi fait sahih annaha tukhaz. Ce qui est sahih, c'est qu'on prend anak. Voyez, même ce qui est petit, c'est-à-dire l'agneau, hein, tukhaz, la basse. Hein? Parce qu'il va grandir. Mais c'est le contraire, on ne doit pas faire le plus vieux. Hein? Parce que lui, on n'a plus rien à faire avec lui si ce n'est pas la viande. Hein? Ou bien? Non. C'est bon, c'est compris? Jazakumullah khairan. Donc, ici, maintenant, on va terminer avec la dernière masala. Masalatun, idha lam yujad, inda sahibil ibil. Si on ne trouve pas, chez celui qui a le chameau, à sinil matloub, l'âge demandé. Ça va? Famaza yufal. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va? Là seulement les animaux. Et puis on ne trouve pas l'âge demandé. Par exemple, le cheikh va donner l'exemple. Jafi nafsi hadith et Anas. C'est venu dans le même hadith de Anas bin Malik, fils de Bukhari. Mayufalu inda zalik, c'est qu'on fait lorsque cela arrive. Faqala fil hadithi, il a dit dans le hadith, annahu yu'khaz minhu al-a'la. Soit on prend ce qui est plus âgé, ou il adina, ou bien ce qui est moins âgé. Ce qui est plus âgé, là, ishkal. Mais ce qui est moins âgé, il y a une compensation. Qu'on va prendre pour compléter. Tayyib, falnaqul masalan. On dit par exemple, bianna malikan man malaka 40 ra'san min al-ibil. Celui qui détient 40 chameaux. Wajabat alayhi, qu'est-ce qui est obligatoire sur lui? C'est bint. Bint laboun. Bint laboun, c'est lequel? Bint laboun. Une femelle qui a deux, qui a complété deux ans. C'est ça? Bintou Laboun. Ok. Bon. Voilà Yamlikoua. Lui n'a pas Bintou Laboun. Ça va? Lui n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, il a 40 chameaux. Dans ces 40 chameaux, il n'y a pas Bintou Laboun. Maza Yufal. Fa'innahu bil khiyar. Il est dans le choix. Baina amrein, entre deux choses. Imma an yakhruja, soit il donne ma hiya a'la, ce qui est au-dessus, min binti laboun. De binti laboun. Toyib, wa hiyal hiqqa. Hiqqa, c'est celle qui a atteint 3 ans. Toyib, soit il donne al-hiqqa, ou à huna la Bouddha. Minjami et Sadaka. Donc ici maintenant il est impératif pour celui qui vient rassembler la Sadaka, qui est la Zakat, ou Shakhs Lezi Yukhrijuhu Wali l'Amr, c'est celui dont l'autorité le fait sortir le Jami et Sadaka pour rassembler la Zakat. يجب عليه أن يرد على المصدق الجبران. Donc lui maintenant, il retourne à celui qui a donné la zakat les deux compensations. Quelles sont les deux compensations? Deux moutons. C'est-à-dire si je prends, s'il prend al-hiqqa, ça va? S'il prend al-hiqqa, il n'a pas bintu laboun, n'est-ce pas? Il a pris ce qui est au-dessus. Donc, il doit compenser maintenant. Il donne deux moutons. Ok? Wahua maja atahdidu fil hadith. C'est ce qui est venu dans le hadith. Imma shatani, soit il donne deux moutons, ou ishruna dirhaman. Ou bien donne 20 dirhams. Wahaza jabr, c'est la compensation, les farqisin. De la différence de l'âge. In akhraj al akbar, si donne le plus grand. Vous avez compris? On va voir ishruna dirhaman. Soit il donne deux moutons ou bien ishruna dirhaman. C'est pas le dirham que vous connaissez aujourd'hui, c'est le dirham qui est connu, al fidda wa dinar al zahab. Mais al fidda c'est l'argent blanc. Mais on va calculer ici, Toyib, pour que vous compreniez. Maintenant ici, imma, maintenant, soit, in akhraj al musaddiq wa la asghar, si donne le plus petit, si nan, ça va, quand yakhruj bint makhad, par exemple, il donne bint makhad, ok? Il donne bint makhad, ok? Toyib. Donc ici, voyez, asghoru min bintu laboun. C'est plus petit que bintu laboun. Fahuna yajibu alayhi an yajbura an naqs. Il doit aussi compenser le naqs. C'est compris? Il doit aussi compenser quoi? Le naqs. Donne-moi ça. Non. Non, donc, c'est compris. Il doit compenser le nax, ça va? Et le nax, c'est quoi? Deux moutons ou bien 20 dirhams. Fayad fauli jami sadaqa. Il donne à celui qui rassemble la sadaqa, ta'widan, en compensation en farqisin. De la différence de l'âge, l'ikhraj et l'asghar, parce qu'il a donné le plus petit. C'est-à-dire, s'il donne le plus grand, il prend deux moutons. Avec celui qui a rassemblé, celui qui rassemble la zakat. Mais s'il donne le plus petit, c'est lui maintenant qui donne deux moutons. Ou bien 20 dirham. C'est compris? Tayyib. Donc ici, wa dirham al-maqsoud huna. On va revenir maintenant sur le dirham. Parce que les deux moutons là, ishkal. Mais le dirham ici qui est voulu ici, ma'kenu yata'amalu nabihi, c'est ce qu'ils interagissaient avec. Wa wa dirhamul fidda, c'est le dirham en argent blanc. Wa ma dinar, quant au dinar, fa dinar au zahab. C'est le dinar à zahab. Donc, à leur époque, lorsqu'il dit dirham, c'est quoi? L'argent blanc. Maintenant, lorsqu'il dit dinar, c'est quoi? Fidda. Ça va? Non, ça c'est Azahab. Adinar c'est Azahab. Ça va? Wa inda wazni dirham. Maintenant, lorsque on pèse le dirham min al fidda, un dirham de fidda, wujida, on trouve que anna wusa, oui, qu'il équivaut à ghiramaini, à 2 grammes, wa tis'umi'ati, et 700. Et 775 grammes. Ça va? 2 grammes virgule. Ça va? C'est ça, c'est 2 grammes virgule 775. Aïe? Salasatu ghiramat illa qalil. C'est-à-dire, c'est 3 grammes. C'est un peu qui reste. Ça va faire 3 grammes. Parce que 2,775. Ça va? Sabaïna. C'est 75, n'est-ce pas? Et 900, enfin. C'est 975. Watisomia, c'est 900. Ok? Donc, il va rester un peu seulement. Ça va faire 3 grammes. Fabina an ala haza, si on se base maintenant sur cela, fa inna ishirina dirhaman. 20 dirhams, tout ça, oui, men al ghiramat, ça fait combien de grammes? 2,975 multiplié par 20. Ça donne combien? 70, quelque chose de? C'est ça? 70. C'est 55. Donc c'est 60. C'est 60 takriban. Hein? 59, quelque chose. Donc c'est un peu 60. Donc on dit par exemple 60 grammes takriban. Somme maintenant, les 60 grammes, on multiplie maintenant par le prix du gramme de fidda. C'est compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Mafahinda. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit il donne 2 moutons, soit il donne 20 dirhams. Le dirham, c'est l'argent blanc. Toi, Yves, l'argent blanc, 20 dirhams, tu calcules ça comment? En argent. Aujourd'hui. Tu calcules ça comment? Donc, lorsqu'on se retourne maintenant, 1 gramme, c'est-à-dire un dirham, c'est ça, non? À leur époque, équivaut à quoi? À 2,975 grammes de trucs d'argent. Maintenant, puisqu'il a dit 20, donc on multiplie ça par 20. Ça nous donne maintenant 60 grammes. Donc ce sont ces 60 grammes maintenant on va évaluer sur le prix d'un gramme d'argent ici. Et ça nous donne un résultat. Ça va? Par exemple, si le prix d'un gramme d'argent, c'est 400 par exemple. Calculez rapidement. Le prix d'un gramme multiplié par 60. Ça fait combien? 24 000, c'est ce que tu ajoutes. Si c'est comme ça. Ça va? C'est un exemple que j'ai donné. C'est ce que maintenant tu ajoutes en argent. Maintenant, ça dépend du pays où tu es. Ça va, tu calcules. Ça dépend du pays où tu es. Si dans l'autre pays, là-bas, le gramme, c'est... Voilà pourquoi, lorsqu'on va arriver sur les... on appelle ça comment, le quota. Nisab de l'argent qu'on doit donner en zakat, ça diffère. Parce que, on va mesurer sur l'or, ou bien l'argent blanc. Ok, toi, dans certains pays, le gramme, ou bien le... On dit ça kara, ou bien c'est quoi? Kara d'or, c'est différent du prix d'un pays à un autre. Tu comprends? Donc c'est selon ça qu'on calcule, pour connaître le nisab. C'est-à-dire le quota. Et ensuite, à partir du quota, maintenant, on fait des calculs pour pouvoir donner un résultat pour savoir combien tu dois donner en zakat. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va terminer ici. On va terminer. Ensuite, il dit ici, Hua ma yu'adilu l'ishrina dirhaman, c'est ce qui équivaut à 20 dirhaman. Allati satakhrujuha que tu vas faire sortir le taou de fort qui assigne, ça va, pour compenser la différence de l'âge. Voilà, in akhraj ta darahim, si tu as fait sortir des darahim. Amma in akhraj ta shateini, mais si tu donnes deux moutons, fala tahtaju ila hadal hisab, tu n'as pas besoin de ce compte-là. Si tu donnes deux moutons. Wa kadhalika ala hadha mazhab, si on se base sur le mazhab manra a anna darahim, parce que d'autres savants trouvent que le ishrina dirham qu'on a mentionné ici, c'est l'itayin, là le taqwim. C'est pour préciser, mais pas compter. C'est-à-dire, si tu peux pas donner deux moutons, tu donnes ishrina dirhaman. À leur époque, ishrina dirhaman équivalait à deux moutons. Ça va? Voilà le qawlu bi taqwim. Si on dit, par exemple, pour ceux qui disent que c'est le qima, c'est la valeur. Donc, toi, il fata khuruju qima tu shatayn. Tu donnes qima tu shatayn. Tu n'as pas besoin de calcul. Si on dit un mouton ici, ça va combien, combien? Tu calcules deux moutons et puis tu donnes. Ça va? C'est compris? Naam. Fi waqtika, dans ton temps, biqad din nazar, tu ne regardes pas ici ane darahim. Tu ne considères pas les darahim. Li anna hazukirat ka qimat li shatayn. Ça a été mentionné comme la valeur de deux moutons. Wala turadu li ainiha, mais c'est pas les 20 dirhams même qu'on veut dire. Parce que d'autres savants disent, on peut compter de cette manière, parce que 20 dirhams a été dit. Mais, Allahu a'lam, ce qui est plus clair ici dans le hadith, c'est que, il a dit d'abord deux moutons ou bien ishrina dirhaman. Deux moutons ou bien ishrina dirhaman. Donc, ça montre que l'ishrina dirhaman veut dire la compensation des deux moutons. Donc, dans ton époque, tu calcules deux moutons et tu donnes le prix. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons rentrer dans Babu Zakat al-Zahabi wal-Fitta. On est sorti du Zakat al-Na'am, qui sont les animaux. On va rentrer, Inch'Allah, dans Zakat al-Zahabi wal-Fitta, Inch'Allah, la semaine prochaine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.